Chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à toutes. Queridos amigos, queridos camaradas, buenas noches a todos y todas. Je vais commencer par... Si. Je vais commencer par un mot de remerciement et un mot d'excuse. Voy a empezar por unas palabras de agradecimiento y unas palabras de disculpas. De remerciement pour l'invitation à cette rencontre internationale. Quiero agradecer por la invitación en este encuentro internacional. On est deux camarades qui sommes venus de France, Basile et moi-même. Somos dos camaradas que hemos venido de Francia, Basile y yo mismo. Qui sommes inscrits dans un processus politique de construction d'une nouvelle force anticapitaliste. Que estamos implicados en la construcción de una nueva fuerza política anticapitalista. Cette nouvelle force anticapitaliste verra le jour en France à la fin du mois de janvier. Esta nueva fuerza anticapitalista nacerá en Francia al final del mes de enero. Donc un remerciement militant et fraternel, mais aussi un mot d'excuse. Es un agradecimiento militante y de fraternal, pero también quiero pedir disculpas. Pour un internationaliste, ne pas parler l'espagnol, simplement le comprendre, c'est quand même un problème. Para un internacionalista como yo, no hablar el español es un serio problema. Mais ça retire en rien à l'enthousiasme qu'on a d'être présent aujourd'hui. Pero no le resta al entusiasmo que tenemos de estar aquí ahorita. Alors pour parler de l'autre histoire et de l'autre politique. Ahora para hablar de la otra historia y de la otra política. Je crois que c'est important de comprendre que l'autre histoire a déjà commencé. Creo que es importante pensar que la otra historia ya empezó. Le siècle politique passé qui s'est ouvert avec la révolution russe en 1917. El siglo pasado que se abrió con la revolución rusa, pardon. En 1917, c'est définitivement refermé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Donc, esa revolución rusa que nació en 1917 se ha definitivamente cerrado en 1989 con la caída del muro de Berlín. À partir de là, une nouvelle période de contestation sociale et politique a débuté. A partir de ese momento, una nueva fase de contestación política comenzó. Ici au Mexique, le 1er janvier 1994. Aquí en México, el 1 de enero de 1994. L'armée zapatiste de libération nationale est sortie de la nuit pour dire ya basta au nouvel ordre mondial. El ejército zapatista de liberación nacional salió de la noche para decir ya basta. En décembre 1995 en France. En diciembre 1995, en Francia, il y a eu un grand mouvement de grève pour défendre la protection sociale. Hubo una huelga muy importante para defender la protection sociale. La protección social. Ça a été la première grande révolte contre le libéralisme en Europe. Fue la primera gran revuelta contra el neoliberalismo en Europa. Depuis, un peu partout dans le monde. Desde entonces, en muchos lugares en el mundo. En América Latina, en América Central, en Europa. En América Latina, en América Central, en Europa. Des peuples se sont dressés et se sont levés régulièrement pour combattre les dégâts du capitalisme. Muchos pueblos se levantaron para ir en contra del capitalismo. Que ce soit au niveau social, au niveau écologique ou contre les guerres. Que ce soit. Perdón. Ya sea a nivel social, a nivel écologique ou que ce soit contre les guerres. Ecológico o a nivel en contra de las guerras. Ces résistances, ça a été des manifestations. Esas resistencias fueron manifestaciones. Des rassemblements populaires. Manifestaciones populares. Des révoltes. Revueltas, des grèves générales, huelgas generales, des explosions sociales, explosiones sociales, et même des insurrections, incluso insurrecciones. Et il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Grèce pour comprendre que l'esprit de résistance est toujours là. Y basta ver lo que está pasando en estos días en Grecia para ver cuál es el espíritu de esas revueltas. Partout on retrouve cet esprit de la résistance. En todos lados encontramos ese espíritu de la resistencia. Mais partout aussi on retrouve un problème et un dilemme. Pero en todas partes también encontramos un dilema, un problema. comment donner une traduction politique, un débouché politique aux résistances sociales. Comment dar una traducción política aux résistances sociales. A esas resistencias sociales. Je parle d'un débouché, d'une traduction politique, pas d'une traduction électoraliste ou institutionnelle. Estoy hablando de una traducción política, no de una traducción electoral. Électoraliste ou institutionnelle. O institucional. D'un débouché politique au sens noble du terme. En una salida política en el sentido noble de la palabra. C'est que les résistances sociales, nos résistances sociales, esas resistencias sociales, nuestras resistencias sociales, ont besoin de ne plus déléguer leur représentation politique à d'autres. Ya necesitan no delegar su representación política a otros. Nos luchas, nos resistencias, elles manquent de conscience. Nuestras luchas, nuestras resistencias. A nuestras luchas, a nuestras resistencias les falta conciencia. Elles manquent de mémoire pour pas refaire les erreurs du passé. Les falta memoria para no cometer los mismos errores del pasado. Elles manquent de régularité. Les falta regularidad. Et elles manquent surtout d'une vision globale. Les falta sobre todo de una visión global. Le capitalisme mène aujourd'hui une offensive globale. El capitalismo tiene ahora en estos días, en estos momentos una ofensiva global. On a besoin de lui opposer une contre-offensive globale. Necesitamos oponerle una contraofensiva global. Et pas simplement sectorielle. Y no solo sectorial. C'est ça pour nous une traduction politique aux résistances. Es eso lo que es para nosotros una traducción social de las resistencias. Depuis le 1er janvier 1994, il y a donc un nouveau cycle de remobilisation sociale et politique. Desde 1 de enero de 1994 hay un nuevo ciclo de resistencias sociales y políticas. Dans ce cycle-là, il y a eu des connexions internationales. En este ciclo ha habido relaciones internacionales. Il y a eu la première rencontre intergalactique ici en 96. Hubo el primer encuentro intergaláctico en 1996. Il y a eu le mouvement altermondialiste avec ses sommets, ses rassemblements. Hubo el movimiento altermundialista con sus momentos, sus auge. Ça nous a permis d'apprendre les uns des autres. Eso nos permitió aprender de cada uno de los otros. Mais nous avons tous continué à mener nos expériences dans des circonstances particulières. Pero cada uno de nosotros hemos continuado a seguir nuestra experiencia de manera particular. Pour la réponse politique, on pense qu'il n'y a pas de modèle exportable. Para esta respuesta política pensamos que no hay un modelo único. Oui, modèle unique. Único. Chaque pays évolue dans des circonstances particulières qui lui sont propres. Cada país evoluciona en circunstancias que le son propias. En France, on a donc lancé la construction de cette nouvelle force anticapitaliste. En Francia, es por eso que en Francia hemos lanzado esta nueva propuesta política. De franchir un seuil, un nouveau cap qualitatif et quantitatif. De passer à une nouvelle étape différente qualitativement et quantitativement. Évidemment, on n'a pas de réponse sur tous les problèmes politiques. Evidentemente no hay una respuesta para todos los problemas políticos. Mais on connaît les erreurs du passé, au moins. Pero al menos conocemos los errores del pasado. Et nous on a décidé d'apprendre en marchant. Y hemos decidido aprender caminando. C'est-à-dire tirer le bilan des échecs de notre propre expérience récente. Es decir, sacar la evaluación de nuestros errores pasados recientes. Et surtout comprendre l'évolution du système capitaliste lui-même. Y sobre todo entender cuál es la evolución del sistema capitalista. Parce qu'il faut connaître son adversaire pour bien le combattre. Porque hay que conocer al enemigo para poder combatirlo bien. Mon métier, ma profession en France. Mi profesión en Francia. C'est d'être facteur, postier. Soy cartero. Je distribue le courrier à vélo. Distribuyo el correo con una bicicleta. Il y a un collègue du travail. Tengo un colega en el trabajo. Qui m'a dit que le meilleur moyen et le seul moyen d'apprendre à faire du vélo. que me dice que la mejor o la única manera de aprender a montar en bicicleta c'est d'abord d'apprendre à tomber. Es primero aprender a caerse. Pour ensuite ne plus le refaire, avancer et pédaler. Para después no cometer el mismo error y seguir avanzando. Et ben c'est la même chose pour la gauche radicale en Europe. Pues es lo mismo para la izquierda radical en Europa. La gauche radicale en Europe a connu deux types d'impasses et d'erreurs politiques ces 20 dernières années. La izquierda radical en Europa ha conocido dos tipos de d'impasses, d'erreurs. De errores. La première, c'est une illusion. La primera es una ilusión. C'est que l'antilibéralisme es que el antiliberalismo était une base programmatique suffisante pour inventer une nouvelle forme de politique d'émancipation. Era una base suficiente para crear una nueva politique d'émancipation. Política de emancipación. La deuxième illusion, elle a porté sur la forme politique. Y la segunda ilusión se refiere más a la forma política. Il y a une partie de la gauche radicale en Europe. Hay una parte de la izquierda radical en Europa qui s'est fourvoyée, qui a connu l'échec de la voie institutionnelle. Que ha conocido el error y el fracaso de esa vía institucional. Il y a une autre partie de la gauche radicale. Hay otra parte de la izquierda radical qui s'est enfermée dans l'impasse du seul mouvement social. Que se encerró en el único camino del movimiento social como único camino. La première, c'est l'illusion sur l'antilibéralisme. La primera es pues la ilusión del antiliberalismo. À l'heure de la crise actuelle économique, en estos momentos de crisis económica, c'est évident que l'antilibéralisme apparaît insuffisant et dépassé pour répondre aux problèmes du moment. Es evidente que el antiliberalismo aparece como algo insuficiente e ineficaz. Ineficaz. Pour répondre aux problèmes du moment. Para responder a los problemas de actuales. Pourquoi? Parce que les capitalistes eux-mêmes, dans le monde, porque los capitalistas en el mundo, ellos mismos, expliquent que le capitalisme est rentré dans une crise systémique. Porque los mismos capitalistas reconocen que han entrado en una crisis sistémica. Systémique, ça veut dire que le système capitaliste a failli s'écrouler en deux jours, comme un château de cartes. Sistémica quiere decir que el sistema capitalista casi se cae en dos días. Ma génération. Lo que se me explicó a mí y a mi generación al principio de la década de los 80s, que el capitalismo era un horizonte indépassable para la humanidad. Es que el capitalismo era un horizonte imposible de pasar adelante. C'est un horizon indépassable qui a failli s'écrouler en deux jours. Pero es un horizonte que es imposible de pasar, pero que casi se cae en dos días. Donc l'antilibéralisme n'est pas suffisant parce que la crise actuelle n'est pas que la crise du capitalisme financier. El antiliberalismo no es suficiente porque la crisis actual no es solo una crisis financiera. C'est la crise du capitalisme tout court. Es la crisis del capitalismo y nada más, o sea, por completo. La crise actuelle, elle vient d'abord du cœur de la bête, des États-Unis. La crisis actual viene del corazón de la bestia, los Estados Unidos. Et elle vient de très loin dans le temps. Y viene de très de muy lejos en el tiempo. Elle marque la crise d'un cycle d'accumulation du capital qui s'est déroulé après la Seconde Guerre mondiale. Marca una crisis en un ciclo de acumulación de capital qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Le capitalisme a une maladie congénitale. El capitalismo tiene una enfermedad congénita. Son carburant pour son moteur. El carburante que necesita para el motor. C'est le profit. Es el beneficio, la ganancia. Sans ce profit-là, le moteur implose. Sin ese beneficio, sin esa ganancia, el motor no funciona, ¿no? Le problème, c'est que les capitalistes, pour espérer demain faire plus de profit, el problema es que los capitalistas, para esperar hacer más ganancia demain, en el futuro, ils ont besoin aujourd'hui de trouver des débouchés pour leurs capitaux. Necesitan hoy encontrar salidas para sus capitales. De trouver des consommateurs pour absorber tout ce qui est produit. Encontrar consumidores para sus productos. Il suffit pas de produire, il faut vendre. No solo hay que producir, también hay que vender. Le problème, c'est que le capitalisme crée ses profits sur la base de l'exploitation. El problema es que el capitalismo crea esas ganancias en base a la explotación. Des licenciements, du chômage. De los despidos. La précarité. La precariedad. Les salaires très bas. Salarios muy bajos. Ça veut dire que le capitalisme prive la majorité de la population des moyens de consommer. Quiere decir que el capitalismo le quita a la mayor parte de la población los medios de consumir. Et c'est à ce moment-là que le système déborde. Y es en ese momento en que el sistema ya no puede funcionar. C'est à ce moment-là que les marchés sont saturés. En ese momento los mercados están saturados. Après la Seconde Guerre mondiale. Después de la Segunda Guerra Mundial. Il y a eu une longue phase d'expansion économique. Hubo una larga fase de expansión económica. Puis les marchés ont été saturés. Y después los mercados se saturaron. Alors le taux de profit a commencé à baisser. Entonces la tasa de la ganancia empezó a bajar. Alors les capitalistes ont dit il faut rétablir le taux de profit par tous les moyens nécessaires. Entonces los capitalistas dijeron hay que restablecer esa tasa de ganancia como sea. Et ils l'ont fait en menant une offensive politique d'un côté comme de l'autre de l'océan. Y lo hicieron con una ofensiva política de un lado y del otro del océano. À partir des années 1980, a partir de los años 90, ils ont attaqué les acquis sociaux. Atacaron los derechos sociales. Ils ont privatisé, libéralisé. Privatizaron, liberalizaron. Pour faire de plus de rentabilité. Para crear más rentabilidad. Et surtout, ils ont tous, autant qu'on est, fait baisser nos salaires. Y sobre todo lo que hicieron fue reducir nuestros salarios. Dans la part des richesses produites. En lo que es, son las riquezas producidas. Qui n'arrêtent pas de croître. Que no paran de crecer. La part des salaires qui nous revient. Lo que nos pertenece, lo que nos vuelve como salario. N'a pas cessé de diminuer. No ha dejado de bajar. 10% du PIB. 10% del producto del PIB. En 30 ans. En 30 años. Grâce à ces politiques, ils ont rétabli partout, en Mexique comme en France, des profits faramineux. Gracias a esas políticas, han creado en México, en Francia y en muchas partes ganancias extraordinarias. Les capitalistes industriels. Los capitalistas industriales se sont retrouvés avec un surplus de capital. Se encontraron con un exceso de capital. Ce surplus de capital, ils avaient quatre possibilités. Con ese exceso de capital, tenían cuatro posibilidades. La première, c'est de le laisser dormir. La primera era dejarlo dormir. C'est pas trop le genre des capitalistes. No es su estilo de los capitalistas. La deuxième possibilité, c'était de le reverser en salaire aux travailleurs. La segunda posibilidad era restablecerlo, pero en salarios. C'est pas trop le genre non plus des capitalistes. Tampoco es el estilo de los capitalistas. La troisième possibilité, c'était de réinvestir ce capital dans la production réelle. La tercera posibilidad era reinvertir ese capital dans la production industrielle réelle. En la producción industrial. Sauf que la production industrielle, elle demande pas tant d'argent. El problema es que la producción industrial no necesita tanto dinero. Et surtout, il y a une quatrième option. Y sobre todo hay una cuarta posibilidad. Beaucoup plus juteuse, beaucoup plus rentable. Mucho más rentable. C'est faire de l'argent avec de l'argent. Es hacer dinero con más dinero. Faire des placements financiers. Hacer des placements financiers, des produits financiers. La spéculation financière. Especulación financiera. Sur les matières premières. En las materias primas. La politique de crédit, la crise des subprimes aux États-Unis. La política de créditos, la subprime en Estados Unidos. Le marché de la dette internationale avec la dette du tiers monde. El mercado de la deuda con la deuda del tercer mundo. Si je dis ça. Si digo esto, c'est juste pour dire que la financiarisation de l'économie es para decir que la financiación de la economía n'est pas un parasite, un corps extérieur qui est venu se greffer sur le capitalisme industriel. No es un parásito, no es algo externo al sistema. Ou au système capitaliste. Al sistema capitalista industrial. Le capitalisme financier naît du cœur même du capitalisme industriel. El capitalismo financiero nace del corazón del sistema capitalista. Le capitalisme industriel et le capitalisme financier sont indissociables. El capitalismo industrial y el capitalismo financiero son inseparables. C'est un seul et même système. Es el mismo y el único sistema. Et c'est contre ce système-là qu'il faut se battre. Y es contra ese sistema que hay que luchar. En France, il y a la droite et une partie de la gauche. En Francia está la derecha y una parte de la izquierda. Qui essaye de nous faire croire. Que intentan hacernos creer. Qu'il y aurait un méchant capitalisme. Que hay un capitalismo malo. Et ou un gentil capitalisme. Y un capitalismo bueno. Et on va revenir au gentil capitalisme industriel. Y vamos a regresar al capitalismo bueno industrial. En moralisant le capitalisme. Haciéndolo moral. Sauf que là, on comprend qu'on ne peut pas moraliser le capitalisme. Pero pues no se puede hacer moral el capitalismo. Pourquoi? Parce que quand bien même on arriverait à convaincre quelques capitalistes. Porque aunque pudiéramos convencer a algunos capitalistas. Qu'il vaut mieux investir dans la production réelle. Que es mejor invertir en la producción real. Avec un retour sur investissement de 4 ou 5%. Con una ganancia de 4%. Alors qu'il y a un retour sur investissement dans la spéculation à 12, 13 ou 14%. Con una ganancia en la especulación financiera del 12%. De 12, 13 ou 14%. 12, 13 ou 14%. Admettons qu'on arrive à convaincre avec le cœur ces capitalistes-là. Supongamos que pudiéramos convencerlos con el corazón a esos capitalistas. Qu'il vaut mieux gagner moins d'argent. Que aunque ganes menos dinero. Pour une question de justice sociale. Por justicia social. Et de rationalité économique. Por racionalización económica. Il y aura tout autant de capitalistes candidats pour aller là où on peut se faire de l'argent. Siempre habrá muchos más candidatos capitalistas que irán donde más dinero se hace. Et la morale du capitalisme, c'est que les seuls capitalistes qui survivent sont ceux qui font le plus de profit. Les autres meurent. Y la ética del capitalismo es que hay que hacer más dinero, más ganancia, ¿no? Y ese es el único que sirve. Donc moraliser le capitalisme, intentar hacer ético el capitalismo, ça voudrait dire qu'avec des lois ou avec des mots, querría decir que queremos con leyes o con palabras, on demande aux capitalistes de se tuer eux-mêmes. De pedirle al capitalismo que se mate a sí mismo. Et les capitalistes ont beaucoup de défauts, mais pas celui-là. El capitalismo tiene muchos defectos, pero no ese. Voilà pourquoi on pense que l'heure est venue de l'anticapitalisme pur, parce que le capitalisme actuel est pur et total. Y por eso creemos que ya llegó la hora del anticapitalismo puro, porque el capitalismo actual es puro. Il ne s'agit pas simplement de rompre, d'en finir avec les politiques libérales des années 1980. No solo se trata de romper y de acabar con el sistema capitalista de los años 90. On n'aurait fait que la moitié du chemin. Solo habríamos hecho haciendo eso la mitad del camino. Il faut pas simplement réclamer plus de droits, plus de démocratie, plus de santé. No solo hay que pedir y exigir más derechos, más salud, más educación, más democracia. Il faut donner une méthode politique pour y parvenir. Hay también que proponer un método político para conseguirlo. En France, nous militons pour un plan d'urgence sociale. En Francia estamos luchando por un plan de urgencia social. On pense qu'il y a maintenant une catastrophe sociale. Pensamos que hay ahorita una catástrofe social. Quand il y a une catastrophe naturelle, l'État décrète l'état d'urgence. Cuando hay una catástrofe natural, el Estado declara un estado de catástrofe. Et prend des mesures d'exception. Y toma medidas excepcionales. Nous on est pour décréter l'état d'urgence sociale et prendre des mesures d'exception. Nosotros queremos decretar el estado de emergencia social y tomar medidas excepcionales. Nous militons pour un plan de sauvetage des peuples du monde entier. Luchamos por un plan de sauvetage. Por un plan de salvamento des peuples du monde entier. De todos los pueblos del mundo. Aujourd'hui, les gouvernements font des plans de sauvetage pour les banquiers, les financiers et les capitalistes. Ahora los estados hacen plan de salvamiento para los bancos, para lo financiero. L'anticapitalisme, ça veut dire qu'un plan de sauvetage pour les peuples, c'est contradictoire avec un plan de sauvetage pour les capitalistes. L'anticapitalisme ahorita quiere decir que el plan de salvamiento para los pueblos es contradictorio del plan de salvamiento de los bancos. Parce que pour satisfaire les besoins de la majorité de la population, para satisfacer la mayor parte de las necesidades de la población, il faut au Mexique comme en France, hay que hacer tanto en México como en Francia, retirer, ôter à une minorité de privilégiés, quitarle a esa minoría de privilegiados le pouvoir exorbitant qu'elle exerce sur l'économie et la société tout entière. El enorme poder que ejerce sobre la economía social del mundo entero. À l'heure de la crise, il faut par exemple a la hora de esta crisis, lo que habría que hacer, por ejemplo, en finir avec le secret bancaire, commercial ou industriel. Acabar con el secreto bancario, industrial. Pour savoir où vont les mouvements de capitaux dans la société et dans l'économie. Queremos saber dónde van los movimientos del capital en la economía. Et les placer sous le contrôle de la population et du peuple lui-même. Y ponerlos bajo control de la población. Nous ne proposons pas que le partage des richesses. No solo proponemos el compartir las riquezas. Nous voulons un autre rapport de propriété. Queremos otra relación de propiedad. Aujourd'hui, le fruit du travail de tous. Ahorita el fruto del trabajo de todos est volé par une minorité. Así, está siendo robado por una minoría. Parce qu'il y a la propriété privée des moyens de production. Porque existe la propiedad privada de los medios de producción. Nous voulons que le fruit du travail de tous queremos que el fruto del trabajo de todos y todas revienne à tous et à toutes. Vuelva, regrese a todos y todas. Le tout pour tous que réclament les zapatistes. Todo para todos. Que dicen los zapatistas. Pour nous, ça voudrait dire un troisième modèle de société. Para nosotros quiere decir un tercer modelo de sociedad. Jusqu'à présent dans l'histoire, on a eu deux types de sociétés. Hasta ahorita en la historia hemos tenido dos tipos de sociedades. Les systèmes capitalistes et les systèmes bureaucratiques à l'est. El sistema los sistemas capitalistas y los sistemas socialistas del este. Bureaucratiques. Burocráticos. Dans les deux cas. En los dos casos, c'est une minorité d'individus qui décide pour la majorité. Es una minoría de individuos que deciden por la mayoría de los individuos. Dans le système capitaliste, c'est une minorité de riches qui décide pour le peuple. En el sistema capitalista es una minoría de ricos que deciden para el pueblo, por el pueblo. Dans les sociétés bureaucratiques, en las sociedades burocráticas, c'est une minorité d'apparatchiks qui décide pour la majorité. C'est une minorité de... d'apparatchiks, de bureaucrates. Es una minoría de burócratas que deciden por la mayoría. La seule société qu'on ait jamais construite. La única sociedad que todavía no hemos construido. Ce sera un troisième modèle. Será este tercer modelo. Où la majorité du peuple décide enfin pour lui-même. Que la mayoría del pueblo decida por sí mismo. Décide de se répartir les richesses de façon égalitaire. Decida de repartir las riquezas de manera igualitaria. De contrôler les richesses. Controlar las riquezas. On nous dit anticapitaliste, c'est que négatif, c'est pas positif. Ser anticapitalista solo es negativo, no es positivo, no es positivo. C'est vrai, mais c'est au moins le mérite d'être clair. Es verdad, pero tiene el mérito de al menos ser claro. Et certains qui nous rejoignent, algunos que sí se juntan con nosotros, mettent un mot différent sur la société qu'ils voudraient construire, ponen otra palabra. Sobre la, de la sociedad que queremos construir. Alors qu'en vérité, c'est à peu près la même société qu'on va construire. Pero en realidad, más o menos, es la misma sociedad la que queremos construir. Il y en a qui parlent du socialisme du 21e siècle. Algunos hablan del socialismo del siglo XXI. Il y en a qui parlent du communisme. Algunos hablan del comunismo. Il y en a qui parlent d'éco-socialisme. Algunos hablan de ecosocialismo. Il y en a qui parlent d'autogestion libertaire. Otros hablan de autogestión libertaria. Peu importe comment on l'appelle. No importa cómo se llame. Le problème, c'est de regrouper tous ceux et toutes celles El problema de lo que se trata es de reagrupar a todos y todas. Sont convaincus qu'il faut en finir avec cette société-là pour en construire une nouvelle. Están convencidos que tenemos que acabar con este sistema y con esta sociedad para crear otra nueva. Et qu'il faut pour ça une transformation révolutionnaire de la société. Que para conseguir eso necesitamos una transformación revolucionaria de la sociedad. Pas la révolution du futur. Non, la révolution del futuro. Celle qu'on veut ici et maintenant à partir des forces sociales. La que queremos ahora y aquí. À partir de las fuerzas actuales. Et en regardant l'avenir plutôt que le passé. Y mirando el futuro más que el pasado. Et quand on regarde le passé, cuando miramos el pasado, vous pensez qu'aucune filiation politique hay que pensar que ninguna filiación política peut prétendre à lui seul puede pretender ella sola avoir fait la synthèse de toutes les espèces. Quand on regarde le passé, cuando miramos el pasado, il faut essayer de prendre le meilleur des traditions. Hay que retomar lo mejor de cada una de las tradiciones. Des politiques d'émancipation. De las políticas de emancipación. Le meilleur de la tradition libertaire. Lo mejor de la tradición libertaria. Le meilleur de la tradition guevariste. Lo mejor de la tradición guevarista. Le meilleur de la tradition trotskiste. Lo mejor de la tradición trotskista. Socialiste, communiste, zapatiste. Socialista, comunista, zapatista. Essayez de prendre le meilleur pour réinventer un nouveau projet de société. Intentar retomar lo mejor para crear e inventar una nueva forma. Donc en finir avec l'illusion antilibérale. Acabar con la ilusión antiliberal. Et enfin avec une autre illusion qui porte sur la forme politique. Y al final con esa otra ilusión del método político. Je le disais en Europe. Lo decía en Europa. Une partie de la gauche radicale. Una parte de la izquierda radical. A commencé à penser. Ha empezado a pensar. Que la rue s'occupait du social et les institutions s'occupaient de la politique. Que la calle se ocupaba de lo social y que las instituciones se ocupaban de quoi? De la politique. Et qu'il fallait du coup peser de l'intérieur du système. Y por eso había que ir al interior del sistema. Cette politique ne marche pas, c'est une catastrophe. Esta política no funciona, es una catástrofe. En Europe, on peut le dire. En Europa lo podemos decir. Toutes les organisations de la gauche radicale. Todas las organizaciones de la izquierda radical. Qui ont fait des alliances avec les partis institutionnels. Que hicieron alianzas con los partidos tradicionales. Pour peser de l'intérieur. Para cambiar desde el interior. Se sont retrouvés à faire le contraire dans des gouvernements. Se han encontrado haciendo exactamente lo contrario desde el gobierno. De ce qu'ils défendaient au quotidien. De lo que estaban supuestamente defendiendo en lo cotidiano. On a eu en France des ministres communistes. Hemos tenido ministros comunistas en Francia. Qui privatisaient les transports ferroviaires. Que privatizaban los transportes ferroviarios. Avec des militants communistes qui étaient contre dans l'entreprise. Con militantes comunistas que dentro de la empresa estaban en contra. En Italie. En Italia. Il y avait des militants de Refondation communiste. Había militantes de Refundación Comunista. Qui manifestaient le samedi. Que se manifestaban los sábados. Contre l'envoi des troupes militaires en Afghanistan. En contra del envío de tropas militares en Afganistán. Et qui le lundi suivant. Y que el lunes siguiente. Devait voter au Parlement. Tenían que votar en el Parlamento. L'envoi des troupes militaires en Afghanistan. Ese envío de tropas militares en Afganistán. Pour cause de solidarité de gestion institutionnelle. Por solidaridad de gestión institucional. Nous pensons qu'il faut de la cohérence entre ce qu'on défend au quotidien et ce qu'on peut défendre dans des institutions. Queremos coherencia entre lo que defendemos en lo cotidiano con lo que defendemos más allá en las instituciones. Ça veut dire deux garanties. Esto quiere decir dos garantías. La première, c'est quand on va dans des institutions même locales. La primera es que cuando vamos en las instituciones incluso locales, on y va sur la base d'une indépendance totale. Vamos con una independencia total vis-à-vis des partis institutionnels et de l'État. En relación a los partidos institucionales y el Estado. La deuxième qui est plus compliquée. La segunda que es más complicada. C'est d'expliquer quoi qu'il en soit. Es de explicar de cualquier modo que ce n'est pas dans le cadre institutionnel que peut naître le changement. Que no es en el marco institucional que el cambio puede nacer. Et que le changement ne peut naître y el cambio solo puede nacer que le jour où le peuple fait irruption sur la scène politique. El día que el pueblo hace irrupción en la escena política. C'est-à-dire là où se destine, là où se décide son propre destin. Es decir, en el lugar donde se decide su destino. Donc pour prendre un seul exemple, notre nouvelle force anticapitaliste. Por tomar un ejemplo, nuestra nueva fuerza anticapitalista se présente aux élections. Se presenta a las elecciones. Mais c'est pas une force qui va courir après les postes. Pero no es una fuerza que va a correr detrás o que va a buscar cargos. Et à notre congrès de fondation, en nuestro congreso de fundación, on veut être identifié comme étant la force politique en France. Queremos ser identificados como la fuerza política en Francia. Qui milite pour qu'un nouveau mai 68 ait lieu en France et qu'il aboutisse et qu'il aille jusqu'au bout. Para que nazca un espacio político anticapitalista y qu'il aille. Qu'on va être identifié comme une force qui va militer pour qu'un nouveau mai 68 ait lieu, réussisse et aille jusqu'au bout. Para que se va a luchar para que nazca un nuevo mayo 68 y que vaya hasta el final. Mais il y a une autre partie de la gauche radicale qui a connu aussi une impasse. Pero hay otra parte de la izquierda radical que ha conocido otro tipo de problema. C'est que le mouvement social pourrait se suffire à lui-même. Es pensar que el movimiento social pueda ser suficiente por sí mismo. Que la politique n'est que dans la rue. Que la política solo está en la calle. Que toute idée de pouvoir. Que cualquier idea o cualquier pensamiento de poder. Doit être rejeté. Tiene que ser rechazado. Le problème, c'est que quand on fait ça, el problema es que cuando hacemos eso, quand on refuse même de se poser le problème uniquement du pouvoir, cuando incluso nos negamos la sola idea de poder pensar sobre el poder, on finit par laisser les politiques actuelles en place. Lo que conseguimos que los poderes políticos sigan igual ahí donde están. Pour nous, l'autonomie du mouvement social, c'est une chose essentielle, vitale. Para nosotros, la autonomía de la política social es algo vital. Le mouvement social est un espace politique. El movimiento social es un espacio político. Il crée des solutions alternatives. Crea soluciones alternativas. Mais s'il n'a pas de traduction politique, pero si no tiene traducción política, il se restreint à un rôle de pression finalement sur les partis institutionnels. Se reduce solo a un modelo de presión a las instituciones. Parce que les partis institutionnels viennent piocher, voler certaines de nos idées politiques. Porque los partidos institucionales vienen a cooptar y a robar nuestras ideas. Pour les dévoyer, les caricaturer quand ils vont au gouvernement. Para caricaturizarlas cuando están en el gobierno. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Claro, lo que intentamos hacer es algo muy complicado. Et ce sera ma conclusion. Y esta es mi conclusión. C'est d'essayer de faire la synthèse entre la gauche sociale et la gauche politique. Lo que intentamos hacer es hacer la síntesis entre la izquierda social y la izquierda política. C'est une question compliquée qui fait beaucoup de débats, y compris chez nous. Es una cuestión muy complicada que genera mucho debate, incluso en Francia. Qui ne se résume pas à un débat, est-ce qu'on fait un parti, une force ou un mouvement? Que no solo se resume en un debate de si hacemos un partido, un movimiento, ou une force politique. O una fuerza política. On pensait qu'on allait beaucoup s'engueuler sur cette question-là. Pensábamos que nos íbamos a pelear mucho en esa cuestión. En fait, on a abordé la question de façon pragmatique. Hemos abordado ese problema de manera pragmática. Plutôt que de désigner par un nom la forme politique, en vez de designarlo con un nombre esa forma política, on a d'abord cherché à réfléchir sur le fonctionnement militant et démocratique lui-même. Hemos primero pensado y buscado a reflexionar sobre sur le fonctionnement militant. Sobre ese funcionamiento militante. C'est-à-dire comment avoir un fonctionnement démocratique. Cómo tener un funcionamiento democrático. Qui fonctionne du bas vers le haut et pas le contraire. Que va desde abajo hacia arriba y no al revés. Qui permet à tous les militants et toutes les militantes. Que permite a todos los militantes. Quelle que soit leur origine sociale ou culturelle. Cualquiera que sea su origen social. De contrôler toutes les décisions et l'orientation de cette nouvelle formation politique. De controlar todas las decisiones de esta formación política. Pour nous, c'est la question la plus importante. Esa es la cuestión más importante. Quelle garantie démocratique? Que haya una garantía democrática. De ne pas déléguer sa représentation politique. De no poder delegar su propia representación política. À des spécialistes. A especialistas. Dans cette nouvelle formation. En esta nueva formación. Qui vont devenir de fait des futurs bureaucrates. Que solo podrían volverse burócratas. Pourquoi cette question est compliquée? Esta cuestión es complicada y por qué? Parce qu'en filigrane, c'est une question stratégique à laquelle on est tous confrontés. Es una cuestión estratégica a la que todos debemos confrontarnos. Quel est le rapport des mouvements d'émancipation au pouvoir? ¿Cuál es la relación de los movimientos de emancipación con el poder? À partir du bilan des révolutions passées. Cuando hacemos la evaluación de los movimientos antes del pasado. De leur récupération totalitaire. De su recuperación totalitaria. Et de la situation du capitalisme actuel. Y de la situación capitalista actual. Je le disais, on n'a pas de réponse sur tout. Ya les decía, no tenemos respuesta para todo. Mais sur cette question-là, on a une formule pour essayer de définir un peu notre champ de réflexion. Pero en esta cuestión tenemos una pequeña respuesta para definir nuestro campo de acción. La tâche des mouvements de contestation. La tarea de los movimientos de contestación, o sea, de rebelión, digamos, de protesta, perdón. Ce serait de prendre le pouvoir. Será de tomar el poder. Sans se faire prendre par le pouvoir. Sin hacerse tomar por el poder. Prendre le pouvoir. Tomar el poder. Parce que tant qu'on ne le prend pas. Porque si no lo tomamos. Une minorité de privilégiés le détient. Una minoría de privilegiados lo tiene. Et quelles que soient les expériences alternatives. Y cualquiera que sea las experiencias alternativas. L'exploitation est toujours là. La explotación sigue ahí. Et le danger politique est toujours là. Y el peligro político sigue ahí. Il suffit de voir ce qui se passe au Venezuela ou en Bolivie, par exemple. No hay más que ver lo que está pasando en Venezuela o en Bolivia. Mais pas se faire prendre par le pouvoir. Pero no dejarse tomar por el poder. Parce qu'on connaît la capacité du pouvoir d'État. Porque conocemos la capacidad del poder. On connaît la force de la bureaucratie. Conocemos la fuerza de la burocracia. L'anarchiste et la communarde Louise Michel. La anarquista y de la comuna. ¿Cómo se llama? Et la communarde Louise Michel. Louise Michel. A une belle formule. Tiene una fórmula bonita. Elle dit. Ella dice. Le pouvoir donnera des vertiges. El poder da vértigo. Tant que le pouvoir ne sera pas partagé par tous et toutes. Hasta que el poder no sea compartido por todas y todos. Donc le problème, c'est d'avoir cette réflexion stratégique à partir de l'expérience des uns et des autres. O sea que el problema es d'apprendre des expériences des uns et des autres. Aprender de las experiencias de unos y de otros. On évidemment et on suit de près l'expérience zapatiste de ce point de vue-là. Claro que tomamos en cuenta y la seguimos de muy cerca la experiencia zapatista. Parce qu'on sait que s'il faut réinventer, porque sabemos que si lo que tenemos que hacer es reinventar, on va pas le réinventer qu'avec des débats. No solo lo vamos a reinventar hablando, debatiendo. Mais à l'épreuve de la pratique concrète. Sino con la prueba de la práctica concreta. Quelle que soit notre place sur la planète ou sur le continent. Ya sea donde sea que estemos. Comprendre aussi qu'on a une mémoire politique. Comprender también que tenemos una memoria política. Et le problème de savoir comment on pourrait le faire. Y el problema de saber cómo podríamos hacer. C'est s'appuyer sur certains héritages politiques. Es apoyarse sobre algunas herencias políticas. Rosa Luxemburg, par exemple. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo. Qui était solidaire de la révolution bolchevique. Que era solidaria con la revolución bolchevique. Était en même temps très critique sur la question de la démocratie socialiste. Era también muy crítica con la cuestión de la democracia política. Y él disait qu'il fallait que le peuple prenne le pouvoir. Y ella decía que el pueblo tenía que tomar el poder. Mais qu'il le prenne par le bas et pas par le haut. Pero lo tenía que tomar desde abajo, no desde arriba. Et que surtout aucun parti. Y que sobre todo ningún partido. Aucune avant-garde. Ninguna vanguardia. Ne se substitue au mouvement de masse lui-même. Puede sustituirse al movimiento de masas. Donc voilà en gros quelques champs de réflexion politique. Estos son, a grosso modo, algunos campos de reflexión política. Pour essayer de vous dire que pour nous, en para France, intentar decirles que para nosotros en Francia, l'anticapitalisme et l'internationalisme sont extrêmement liés. El anticapitalismo y el internacionalismo están muy ligados. L'internationalisme, c'est un devoir de solidarité. El internacionalismo es un deber. Par rapport au peuple palestinien, par exemple, comme l'a dit le camarade tout à l'heure. Por ejemplo, en relación al pueblo palestino, como lo dijo el camarada anteriormente. Mais une force internationaliste dans une puissance impérialiste en France, par exemple. Pero una fuerza internacionalista en una fuerza capitalista como en Francia. Ça veut dire lutter aussi contre son propre colonialisme et son propre impérialisme. También quiere decir que tenemos que luchar contra nuestro propio colonialismo y nuestro propio capitalismo. La politique de son État, de ses multinationales. Esa política de su Estado, de esas multinacionales. De groupes pétroliers français comme Total. De los grupos petrolíferos como Total. Que en Amérique latine ou en Afrique. En América Latina, en África. Lutter contre son impérialisme sur son propre territoire. Luchar contra el imperialismo en su propio territorio. En solidarité notamment avec la mobilisation exceptionnelle. En solidaridad con la movilización excepcional. Qui a lieu actuellement en France des travailleurs sans papiers. Que tiene ahora lugar en Francia de los trabajadores sin papeles. Qui font un grand mouvement de grève extrêmement important pour nous. Están haciendo un gran movimiento de huelga que es para nosotros muy importante. Et l'internationalisme enfin. Y al fin el internacionalismo. C'est faire ce qu'on est en train de faire là. Es lo que estamos haciendo ahorita. C'est-à-dire avoir des rapports militants et fraternels. Es tener relación de militantes, de hermanos. Des discussions. Discusiones. Des engueulades. Pleitos también. Parce qu'il faudra qu'on a des engueulades. Porque pues tendremos que pelear también. Elles seront nécessaires si on veut inventer quelque chose ensemble. Pues los pleitos son necesarios para que podamos hacer algo juntos. Mais il faudra le faire sans sectarisme. Pero tendremos que hacerlo sin sectarismo. Et de façon internationaliste. Y de manera internacionalista. Et le faire jusqu'au bout. Y hacerlo hasta el final. Jusqu'à la victoire. Hasta la victoria.